Ok. Isma. Christo, je suis là. Ah, ça vous plaise. Les MC, on vous plaise. Tu connais, écoute, toujours pas sur les. Comment veux-tu voir très haut? Pas tard, sous un préau, ou au mitard. J'ai su très tôt qu'il était trop tard. Et pas, épargne-moi tes beaux bars. Écoute à mes coups de tomard. Quand je rime pour les tiennes, c'est un tonnerre. Et pour ta carrière, c'est le coma. Quand je prends le micro, ton flow reçoit avec des gifs. J'ai toujours fait la diff. Je rappe mieux que toi, mais t'as du mal à dire. MC, mets-toi en arrêt maladie. Ici les municipaux servent de décor. H57 le nouveau cyborg. D'abord, moi et les faux nous sommes pas du même bord. Dans la rue c'est le désordre, plus personne nous sert. Encore moins les forces de l'ordre. Tous à boire, plus personne ne mord. Enculé de vos morts, mon sommort. Un putain de sonore que pour les mecs d'honneur. Et ceux qui font des sauvettes en roller. Je compte plus mes péchés, la galère m'a pioché. Et sur le terre-terre je suis figé. Toujours opérationnel. Pour de vrai, je suis sensationnel. Nos vies sont cruelles depuis la maternelle. Christo, S-Isma, toujours opérationnel. Pour de vrai, je suis sensationnel. Nos vies sont cruelles depuis la maternelle. Tu n'en crois pas, mais c'est bien réel. Toujours là, opérationnel. Prêt à te mettre des séquelles. Tu n'auras de merde. Tout ce que je te dis, c'est de l'exactitude. À force, cela devient une habitude. Fais gaffe à ton attitude. Sinon, je risque de te dévoiler mon ingratitude. Yeah. Je te balance des flots en multitude. Oublie tous tes soucis. Viens écouter du son comme ceci. Surtout, fais pas d'oubli. Resto production. J'ai le sens de la séduction. T'as juste à écouter. Danser, te balancer. J'aime te voir comme ça, te secouer. C'est ça que je veux de toi, qu'on voit ça continue. Cela me paraît très intéressant. Putain, voyons si tout est en or là-dedans. J'reviens encore et encore avec des paroles en or. Ok, prêt pour cet accord. C'est du rap par corps. T'en reviens pas car je bats tous les records. Christo, S-Isma, toujours opérationnel. Pour te faire du sensationnel. Nos vies sont cruelles depuis la maternelle. S-Isma, toujours opérationnel. Pour te faire du sensationnel. Nos vies sont cruelles depuis la maternelle. Fais bien attention au fisco, sinon tu vas perdre tes dents. Ferme ta gueule, j'ai besoin de concentration. Je suis à fond dedans. Je lance l'autodestruction. Moi je nique le barus, je peux faire rôder dans les rues. À faire des choses que mon daron n'a jamais su. Regarde ma torche que je suis devenu. Je remplace une poêle des nues. Mon rap est entretenu. Fais pas fou, tu vas partir tout nu. Viens, je te promets que du bien. J'en place une poêle galérien. Sous des petits patelins, vas-y reste en chien. Je suis à moitié algérien. C'est du pur 50-20. On est des rambasiens. Je viens foutre la Zermi, mon son c'est une tuerie. Je viens de la Tessie, moi je te dis bay. Je veux que l'Italie, est-ce qu'on a Maserati? Ce qu'il a osé faire à Dandy. T'inquiète, je viens comme un Hasni. Tu peux lever ton troisième doigt, c'est du rap des ragas. On n'est pas des tarbas, on est simplement des gars. Ramasse ta hanouna, puis lève les bras. Comme on a fait, t'inquiète, un jour tu sauras. Ce flou c'est le mien, désolé c'est pas le tien. Dédicace aux têtes de Martin, aussi au cerveau crétin. Tu kiffes? Par Claude, la Hasni va te mettre des gifs.